إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وعرفوا دينكم وتعلموا التوحيد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عباد الله إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو حق الله الذي افترضه على الجن والإنس قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وخلق الجنة والنار قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فرسل الله الكرام عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كلهم بعثوا لهذه المهمة يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن عبادة الطاغوت وعن عبادة كل ما سوى الله إن العبادة حق الله الذي يجب أن يصرف له وحده فمن فعل ذلك نجا في الدنيا والآخرة فعن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ هل تدري حق الله على العباد هل تدري ما حق الله على عباده وما حق الله وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه عباد الله إن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته فهذه أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هذه أنواع التوحيد الثلاثة أكررها مرة أخرى: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة اجتمعت في آية واحدة في سورة مريم. يقول الله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية تجمع الأنواع الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية والعبادة، وهل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. إن الله تعالى هو الذي خلق كل شيء من العدم، وهو المالك لكل شيء، وهو المدبر للعالم العلوي والسفلي، وهو الرزاق لكل مخلوق. ألم تسمع قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ألم تسمع قول ربك: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ألم تسمع قوله سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إن الله عز وجل لا شريك له ولا مثيل له. قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن جميع الخلق مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى الله، بل في أشد الضرورة إلى الله، وهو جل وعلا مستغن عنهم. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عباد الله، إن الله وحده هو المستحق للألوهية. الألوهية معناها العبادة، فالله سبحانه وتعالى هو الوحيد المستحق للعبادة والألوهية. فالواجب على جميع الخلق، إنسهم وجنهم، رجالهم ونسائهم، أن يصرفوا عبادتهم لله وحده. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يجوز أن يصرف أو أن يصرف العبد شيئا من العبادات ولو قل لغير الله، فإن فعل ذلك أو من وقع في هذا أو فعل ذلك فقد وقع في أعظم الذنوب وأشر العيوب، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد فعل أعظم الذنوب الذي هو الشرك بالله، الشرك الذي لا يغفره الله، الشرك الذي يحبط العمل، الشرك الذي يوجب الخلود في النار لمن مات عليه. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عباد الله، إذا تقربت إلى ربك وصرفت له العبادة فزت في الدنيا والآخرة، فتفوز في الدنيا بالراحة والطمأنينة، وتفوز في الآخرة بالجنة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Servez Allah, craignez Allah, et apprenez et connaissez votre religion, et apprenez le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça, c'est la signification de la parole, du témoignage du tawhid, la ilaha illallah. Et parfois, certains le traduisent incorrectement. Et ils ne savent pas comment traduire la ilaha illallah en français. Alors, certains ils disent: il n'est de Dieu que Dieu. Ou il n'est, il n'y a pas de Dieu que Dieu. Mais ce n'est pas ça la vraie signification de la ilaha illallah. Parce que il n'est de Dieu que Dieu, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde reconnaît, même les koufars, même les juifs et les chrétiens, ils disent, hein, il n'est de Dieu que Dieu. Ils reconnaissent que Dieu existe, ils savent qu'il y a un créateur, qu'il y a un seul maître. Mais la vraie signification de la ilaha illallah est plus, hein, est plus subtile. Il faut la comprendre comme il faut, pour savoir ce que ça signifie, ce que ça affirme et ce que ça nie. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Donc si tu reconnais que Dieu existe et qu'il est unique, mais que quand tu adores Jésus, tu adores un homme, ou tu adores un saint, ou tu pries à un mort, ou tu pries à un djinn, ou tu pries à un arbre ou à une pierre, même si tu dis que Dieu est unique, eh bien ça ne t'a servi à rien, parce que tu n'as pas encore établi la vraie signification du tawhid de la ilaha illallah. Et de là l'importance d'apprendre et de connaître le tawhid et de connaître la signification de la ilaha illallah. Donc la plus grande chose que Allah a ordonnée, c'est le tawhid. Et la plus grande chose que Allah a interdite, c'est le contraire du tawhid. Et qu'est-ce que le contraire du tawhid? Qu'est-ce que le contraire de l'unicité d'Allah? Eh bien, le contraire de l'unicité d'Allah, c'est le shirk. C'est-à-dire de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires et des associés dans l'adoration ou dans sa rububiyya, dans son royaume, dans sa souveraineté, ou dans ses noms et dans ses attributs. Tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala des associés, des égaux ou des partenaires dans l'adoration en leur offrant une forme quelconque d'adoration, tu as commis ce qu'on appelle le shirk, qui est le plus grand péché par lequel tu peux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, le tawhid, qui est l'unicité d'Allah, ça signifie d'unifier Allah et de rendre l'adoration exclusive à Allah seul. Et c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit exclusif d'Allah qu'il a sur toute la création, sur les djinns et sur les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et voilà la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création, pour laquelle il a envoyé des messagers, pour laquelle il a fait descendre les livres, pour laquelle il a légiféré les différentes législations et les shara'a, qu'est-ce qu'on appelle sharia en arabe, les lois et les règles qu'il a révélées dans sa révélation. Et c'est pour cette raison, pour le tawhid, et pour que Allah soit adoré lui seul, qu'il a créé le paradis et l'enfer également. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le Coran: j'ai suscité dans chaque nation un messager pour qu'ils disent, adorez Allah, c'est-à-dire adorer Allah seul, établissez son unicité et écartez-vous du tarout. Écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce que les hommes, tout ce que les êtres humains, peu importe d'où ils sont, peu importe leur langue, peu importe leur couleur, peu importe leur origine, peu importe leur ethnie, tout ce que les êtres humains sur la terre, depuis Adam jusqu'au dernier des hommes qui va venir sur terre, chacun d'entre eux, tout ce que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou adorent avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le tarout. Akhil Karim, من فضلك لا تسجل هل أنت تسجل بارك الله فيك عفوا tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le tarout. Peu importe qu'est-ce que cette chose là peut être, que ce soit un homme, un prophète, si tu l'adores, tu l'as pris comme un tarout. Tu adores le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu l'invoques, tu lui demandes de l'aide. Après sa mort, tu l'as pris pour un tarout. Tu l'as adoré en dehors d'Allah. Tu as commis le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pries au prophète Isa alayhi salam, tu demandes Isa, ya Isa, aide-moi, sauve-moi. Tu as commis le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Moussa alayhi salam, tu pries à Ibrahim alayhi salam, tu as commis le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à un homme qui était pieux, qui était très pieux, un homme très religieux, qui a fait beaucoup de bonnes choses pour l'islam. Hein? Il a beaucoup aidé la religion d'Allah. Il a enseigné l'islam. Il a fait des grandes choses pour la Ummah. Il est mort. Tu vas à sa tombe. Tu l'invoques. Tu lui demandes de l'aide. Tu sacrifies des animaux pour lui. Tu fais des vœux en lui demandant. Au lieu de demander à Allah, tu dis à un homme saint, comme ça se passe dans certains pays, hein, dans certains pays musulmans, il y a des gens qui vont à une tombe et ils disent à la personne qui est enterrée, aide-moi, donne-moi, sauve-moi. Hein? Et il y en a beaucoup comme ça. Et il y a même des endroits dans les pays musulmans où ils font des pèlerinages à des hommes pieux et à des tombes. Et à des morts, et il leur demande de les sauver, et de les aider, et de leur donner des choses, au lieu de demander à Allah seul. Et ça, c'est ash-shirku billah. Ça, c'est le fait d'associer avec Allah. Parfois, il y a un homme qu'il considère comme étant un wali. Il est mort, il est enterré dans une montagne, très loin des villes. Ils font des voyages pendant 2 jours, 3 jours à pied. Monter jusqu'en haut de la montagne pour aller jusqu'à la tombe de cet homme pour aller lui demander de les aider ou de les sauver en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si auprès de sa tombe il y a une source ou un arbre, ils vénèrent la source, ils vénèrent l'arbre, ils adorent des créations au lieu d'adorer le créateur subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est ash-shirku billah. Même si cet homme était un homme très religieux, très pieux, très savant, qui a fait beaucoup de bien pour l'islam et pour la Ummah, on n'a pas le droit de le prendre comme un intermédiaire ou comme un intercesseur entre nous et Allah. Et on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit, de nous aider ou de nous sauver ou de nous faciliter quoi que ce soit. C'est à Allah seul qu'on doit demander. Et c'est ça la religion de l'islam. Et c'est ça la religion du tawhid. Et c'est ça la religion de la ilaha illallah. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans dans les pays musulmans ont grandi dans l'ignorance de l'islam, ont grandi dans l'ignorance du tawhid, ont grandi dans l'ignorance de la ilaha illallah. Et c'est pour cette raison que c'est du devoir de chacun d'entre nous, en commençant par les ulama, et ensuite par les gens qui étudient l'islam, et par les gens qui ont appris l'islam et qui connaissent des choses sur l'islam, de faire en sorte que le message de l'islam authentique soit propagé autour d'eux, d'enseigner à nos parents, d'enseigner à nos familles, à nos proches, à nos cousins, à nos amis, à des gens qui habitent dans des villages ou à des gens qui habitent dans des villes ou peu importe, de faire en sorte que le message du tawhid et le message de la ilaha illallah soit expliqué et clarifié et enseigné. Certes, serviteurs d'Allah, les messagers ont tous été envoyés pour appeler à ça, pour appeler à l'unicité d'Allah dans l'adoration et pour interdire l'adoration de tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que le droit exclusif d'Allah, comme on l'a expliqué, c'est qu'il soit adoré lui seul. Et qu'on n'offre à personne d'autre qu'à Allah l'adoration, l'adoration à personne d'autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demanderai aux frères qui sont ici, qu'il y a un espace de vent ici, et là, s'il y a des vides en avant de vous, de vous approcher pour permettre à ceux qui rentrent de trouver de la place pour s'asseoir ou bien pour faire un rak'atayn. Une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec Mu'adh sur un âne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: « Oh Mu'adh, est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah ?» Et Mu'adh a dit: « Allahu wa rasuluhu a'lam. » C'est-à-dire, c'est Allah et son messager qui savent mieux. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit: le droit exclusif d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul et qu'il ne fasse aucune association avec lui, qu'il ne fasse aucune forme de shirk avec lui dans leur adoration. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui n'a rien associé avec lui. C'est-à-dire que celui qui n'a pas fait shirk, que Allah ne va pas le châtier. C'est ça le droit des serviteurs. Que toi tu as établi le tawhid dans ta personne, tu n'as rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tu meurs sur ça, tu meurs sur le tawhid, le droit que tu as sur Allah, c'est qu'il ne va pas te châtier. Bien entendu, si tu as appliqué le tawhid dans son sens entier et complet, et dans toute sa perfection. Parce que dans le tawhid, il y a des degrés. Dans le sens qu'il y a des éléments dans le tawhid qui font partie des fondements de la foi et de la croyance. Que si tu contredis ces fondements, comme par exemple d'adorer d'autres avec Allah, tu as détruit ton tawhid. Tu as fait le shirk, akbar. Mais il y a des choses qui ne vont pas détruire complètement ton tawhid, mais qui vont l'affaiblir ou le diminuer. Comme par exemple les kaba'ir. Comme par exemple les bid'a que tu fais. Ça ne va pas détruire ton tawhid si ce n'est pas du shirk ou du kufr akbar. Mais ça va l'affaiblir, ton tawhid. Et ça va le diminuer dans sa perfection. Et donc, plus tu obéis à Allah et tu établis les bases et les obligations et les choses recommandées, plus ton tawhid est parfait et complet. Et plus tu contredis les ordres d'Allah, et bien plus ton tawhid s'affaiblit jusqu'à ce qu'il parfois même peut même devenir nul et s'annuler complètement, et tu peux quitter même et sortir complètement de la religion de l'islam. Hein? Si tu dis par exemple tu es musulman, tu fais la salat 5 fois par jour, tu fais le jeûne de Ramadan, tu vas faire le hajj, hein? Tu fais toutes les bonnes œuvres, tu donnes des sadaqat aux pauvres. Mais si tu fais du shirk avec Allah, tout ça, ça n'a aucune valeur. Parce que la base de toutes tes bonnes œuvres, ça doit être le tawhid. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, si les hommes ne font pas de shirk, le droit qu'ils ont sur Allah, c'est qu'il ne va pas les châtier, Mu'adh a dit, est-ce que je devrais dire ça aux gens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne leur dis pas. Parce qu'ils vont se baser là-dessus seulement et ils vont laisser les œuvres. Hein? Donc, c'est pour encourager les gens à continuer à faire des bonnes œuvres. Mais par la suite, bien entendu, Mu'adh l'a enseigné pour ne pas cacher la science. Donc, il faut savoir que le tawhid se divise en 3 catégories. Et ça, beaucoup de gens ignorent les catégories du tawhid. Tawhid al-rububiyya, Ça, c'est la première catégorie de tawhid. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il faut croire en son unicité, dans le fait que c'est lui le seul maître, le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui contrôle tout dans l'univers. Il n'y a pas d'autre dans l'univers qui contrôle quoi que ce soit avec lui. Même une atome, il ne partage pas avec quelqu'un d'autre. Même la plus petite particule qui existe dans l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne la partage pas avec quelqu'un d'autre. Tout ce qui existe n'appartient qu'à lui. Mais il y a des hommes qui attribuent, ou qui offrent, ou qui donnent, ou qui prétendent que des parties de la création appartiennent à d'autres créatures, ou à d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du shirk dans Ar-Rububiyyah. Ça, c'est du shirk dans Ar-Rububiyyah. Si quelqu'un prétend que quelqu'un d'autre que Allah peut contrôler quoi que ce soit dans l'univers, en dehors d'Allah, ça c'est un shirk ou Ar-Rububiyyah. Hein? Et cette catégorie de shirk, même si les gens aujourd'hui, la plupart du temps, c'est uniquement de cette catégorie-là qu'ils parlent, mais pourtant c'est celle qui est la moins répandue. C'est celle qui est la moins répandue. Souvent, quand vous voyez des musulmans, ils veulent parler avec des non-musulmans à propos de l'islam, ils se concentrent sur la Ar-Rububiyyah seulement. Dans le sens qu'ils vont dire à un chrétien, il faut croire en Dieu, il faut croire que Dieu existe, il faut croire que Dieu est unique. Et le chrétien, il te dit, oui, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, et je crois qu'il est unique. Donc la Ar-Rububiyyah, hein, ça c'est pas le vrai problème des mouchriquines et des kuffars. Même à la Mecque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était devant les mouchriquines qui adoraient Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, Wa-Hubal, et toutes les 360 idoles qui étaient autour de la Kaaba, hein, il leur demandait, Qul, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset, Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulunna Allah. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Donc les mouchriquins, quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, alors qu'ils adorent Al-Lat ou Al-Uzza, ils disaient c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Si tu leur demandais qui contrôle la vue et yani, lui, et qui détient yani, le pouvoir de faire entrer, qui fait vivre ce qui est mort, qui est-ce qui le fait vivre, et ce qui est mort, ce qui est vivant, qui est-ce qui le fait mourir, et yani, qui contrôle tout dans l'univers, ils vont dire Allah. C'est-à-dire ils adorent des idoles, puis en même temps ils disent c'est Allah qui a tout créé, c'est lui qui contrôle tout. Mais le kufr et le shirk qu'ils faisaient, c'est le kufr et le shirk dans l'ibadah. Donc si tu dis Dieu est unique et Dieu existe, mais que tu adores d'autres avec Allah, eh bien tu n'es pas encore musulman. Pour être un vrai musulman, ce n'est pas suffisant de dire je crois en Dieu et je crois qu'il est unique, mais tu cesses d'adorer tout ce qui existe en dehors d'Allah et tu rends ton adoration exclusive et uniquement pour Allah seul. Et tu rejettes et tu renies tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et c'est ça la signification du tawhid. Donc ça c'est tawhid al-ibadah, le tawhid dans l'adoration. Et il y a tawhid dans al-asma wa sifat, c'est-à-dire dans les noms et dans les attributs d'Allah, c'est-à-dire que tu ne dois rien attribuer des attributs d'Allah et de la perfection d'Allah aux créatures. Et tu ne dois pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala des caractéristiques et des défauts de la création. Et tu décris Allah tel qu'il s'est décrit lui-même, et tu purifies Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il s'est purifié dans le Coran. Et tu crois en ses noms et en ses attributs tels qu'ils sont révélés dans le Coran. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إنك إذا تقربت إلى ربك لابد أن تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فربنا عز وجل هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، العزيز الحكيم. فلله عز وجل أسماء كثيرة، وهو عز وجل واحد، ونثبت هذه الأسماء لربنا عز وجل ونتعبد له بها وندعوه بها، ونختار من الأسماء ما يناسب دعاءنا. فمثلا نقول: اللهم يا رزاق ارزقنا، يا غفور اغفر ذنوبنا، وهكذا. ومن الخطأ أن بعض الناس يدعو ربه باسم لا يناسب دعاءه، فمثلا يقول: يا قوي يا عزيز ارحمني، أو يا رحيم عليك بالكافرين وأعداء الدين، وهذا خطأ، وقد يكون من فيه نوع سخرية لا يليق بالداعي ربه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل صفات، إن لله صفات عظيمة تليق به سبحانه، وهي مذكورة في الكتاب والسنة، فالواجب إثباتها جميعا، ويجب أن نعتقد أنها صفات كمال، وأنها تليق بربنا جل وعلا، ولا تماثل صفات المخلوقين. حتى وإن اتفقت أسماؤها مع أسماء صفات المخلوقين، إلا أن الحقائق مختلفة جدا، ويقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الخالق سبحانه صفات كمال وجمال تليق به، وصفات البشر يعني هي صفات البشر وتناسبهم. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فلله له صفة العلم والقوة والقدرة، وهو سبحانه له السمع والبصر، وله وجه، وله يدان اثنتان. يقول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ رواه مسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عظمته في قلوبنا وخشيته في نفوسنا، وأن يرزقنا حبه وإجلاله. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،